que s'est-il passé hier soir sur Fortnite à l'issue de la saison 10 de ce jeu vidéo qui réunit 250 millions de joueurs à travers le monde? Un grand trou noir et depuis, plus rien. Si vous-même ou votre adolescent commence à présenter des crises de tremblement, des sueurs froides ou de brusques sautes d'humeur, peut-être est-ce le signe d'une addiction aux jeux vidéo. De la même façon que l'abus de jeux d'argent ou de contenu pornographique, par exemple, peut conduire à des comportements qui ressemblent de très près à l'usage de drogue, mais s'agit-il vraiment du même type d'addiction ? Jeux d'argent, jeux vidéo, porno, demandez l'addiction, c'est le programme Dépendant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les mécanismes de ces addictions dites comportementales et leurs points communs, mais aussi leurs divergences avec les addictions aux drogues, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jocelyne Caboche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche CNRS, chef de l'équipe signalisation neuronale et régulation génétique au laboratoire neurosciences parisienne à Sorbonne Université. Et Marc Valeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et ancien médecin-chef de l'hôpital Marmottan, spécialisé dans les soins et l'accompagnement de pratiques addictives. Nous irons y faire un retour en reportage tout à l'heure, mais avant de plonger dans ces méandres de la dépendance, elle est à elle seule une drogue quotidienne pour les accros à l'actualité scientifique. C'est Natacha Priou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour. Et on commence ce journal avec une nouvelle étude parue dans Biological Psychiatry. Les circuits neurologiques de la dépression varient selon le sexe. La dépression est une maladie qui touche deux fois plus les femmes que les hommes, mais on ne sait pas pourquoi, d'autant plus que les études cliniques ne portent que sur des sujets de sexe masculin. Les chercheurs de l'Université d'État du Michigan se sont intéressés à une voie cérébrale impliquée dans la dépression. La voie qui part de l'hippocampe ventral vers le noyau accumbens. L'hippocampe, c'est ce qui contrôle les émotions. Son organisation est pratiquement la même entre les rongeurs et l'humain. Et le noyau accumbens, c'est ce qui régule le plaisir et les circuits de la récompense. Donc, dans une approche électrophysiologique et génétique, les chercheurs ont provoqué le même stress chez des souris mâles et femelles. Les femelles montrent une hyper-excitation de cette voie cérébrale. Les chercheurs ont ensuite modifié l'activité de cette voie. Laurence Lanfumé est directrice de recherche à l'INSERM et responsable de l'équipe physiopathologie des troubles de l'humeur au Centre de psychiatrie et de neurosciences Sainte-Anne. C'est une voie qui va réagir à la testostérone. C'est-à-dire qu'il montre que entre les mâles et les femelles, il y a une différence d'excitabilité de cette voie, que en gros les femelles ont une meilleure excitabilité, une plus grande excitabilité, donc sont plus susceptibles au stress via l'excitabilité de cette voie, et que cette différence d'excitabilité, elle est liée à la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone protégerait le mâle de l'hyperexcitabilité de cette voie. Et donc, en mettant des antagonistes, des récepteurs de la testostérone, par exemple, ils peuvent rendre les mâles plus susceptibles au stress. Oui, c'est-à-dire que dans l'étude, ils disent justement, quand ils ont neutralisé la testostérone chez les souris mâles en situation de stress, ils réagissaient exactement comme les souris femelles. Exactement, voilà. Ça montre vraiment que l'homme est protégé, en fait, de la dépression via ses récepteurs. On savait que cette voie était déjà impliquée dans la régulation des émotions, etc. Mais le fait que ce soit vraiment sélectif entre mâle et femelle, c'est vraiment ça qui est pour moi une étude importante. Voilà, et puis comme tous les jours, vous pouvez retrouver les liens vers l'étude et vers les études qui vont être mentionnées et dans le Journal des Sciences et tout au long de l'émission via notre fil Twitter @laméthodefc. Je précise pour certains de nos auditeurs qui n'ont pas forcément Twitter que ce fil, vous pouvez également le retrouver sur la page de l'émission La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'épidémie de serres zombies prend de l'ampleur, Natacha. C'est une nouvelle maladie contagieuse qui est comparable à la vache folle et qui cause chez les cervidés des troubles neurodégénératifs qui provoquent la mort. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, 24 États canadiens et américains sont touchés, mais aussi la Norvège, la Suède, la Finlande et la Corée du Sud. Le taux d'infection des cervidés peut atteindre 25% chez certaines populations. Le Nevada, lui, vient d'interdire l'importation de carcasses de cerfs, de rennes et d'élans en provenance de l'extérieur de l'État. Des premiers échantillonnages et analyses sont en cours aux États-Unis. Selon une étude à paraître dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, notre Voie lactée a dérobé de la masse aux galaxies voisines. Il y a environ une cinquantaine de petites galaxies qui orbitent autour de notre Voie lactée, et notamment la galaxie naine de la Carène et la galaxie naine du Fourneau. Des chercheurs californiens se sont intéressés à elles grâce au télescope spatial Gaia, et selon eux, elles auraient été les satellites d'une autre galaxie voisine, plus grande, le Grand Nuage de Magellan. Mais dans le processus de fusion en cours, la Voie lactée, beaucoup plus massive, a dérobé sous l'effet de la gravité les satellites du Grand Nuage de Magellan. Cela confirme nos modèles cosmologiques. Selon cette prépublication, notre galaxie connaît la fusion la plus massive de son histoire. Et pour finir, un article paru dans Nature relance un vieux débat. Pour faire avancer la science, il faut publier les résultats négatifs. C'est une idée qui va à l'encontre d'un dogme. Seules les recherches aux résultats positifs n'ont le droit de citer, ou presque. Selon de récentes études, la littérature scientifique tend de plus en plus à ignorer les résultats négatifs. L'objectivité scientifique s'étiole, la pression pour publier une expérience positive est telle que les auteurs peuvent être amenés à présenter leurs travaux sous un meilleur jour. Cet article rappelle que les résultats négatifs font aussi progresser la recherche. Il montre aux autres chercheurs où ne pas chercher. Cet article encourage les éditeurs à publier des résultats négatifs dans leurs revues. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il est 16h07, vous écoutez La Méthode Scientifique, un écran noir depuis bientôt 24 heures. Voilà ce que les joueurs de Fortnite ont devant les yeux lorsqu'ils lancent le jeu. L'éditeur Epic Games laisse planer le doute, est-ce vraiment la fin définitive de ce jeu qu'on appelle free to play, c'est-à-dire a priori gratuit, mais pas vraiment, et vous allez voir que ça aura son importance. Un jeu qui réunit plus de 250 millions de joueurs à travers le monde. Alors s'il y a fort à parier qu'il ne s'agit que d'un coup de com' pour clore une saison du jeu, puisqu'il est à peu près inimaginable qu'un éditeur se prive de la vache à lait que représentent les revenus tirés de ce jeu pas tout à fait gratuit. C'est un signe de l'importance et de la puissance de ce créateur de jeux vidéo, mais aussi de l'inquiétude qu'il peut susciter dans la dépendance que Fortnite a pu faire naître chez certains joueurs, souvent jeunes, et qui perdent le contrôle de leur rapport au jeu. Des jeunes joueurs, des adolescents qui perdent le contrôle face aux jeux vidéo. Vous allez voir que ça n'est pas tout à fait nouveau, c'est presque concomitant avec l'apparition des jeux vidéo, comme en témoigne ce reportage qui date de 1983. Je vous propose maintenant de regarder ensemble un reportage qui est le résultat d'une enquête. Une enquête sur l'influence des jeux vidéo sur les enfants. Influence ou effet bénéfique, effet négatif. Regardez cette enquête de Michel Perrault. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Bon, mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ce qui est bien, c'est la difficulté. Plus c'est difficile, mieux, plus c'est marrant. À un moment, ça commence un peu à être énervant. Mais sinon, c'est bien. Qu'est-ce qui, dans ces jeux, peut à ce point solliciter leur intérêt et leur attention? Une enquête de la Sofres, réalisée auprès de 250 enfants de 7 à 14 ans, nous apprend que la majorité d'entre eux aiment être ainsi projetés dans un autre univers, surmonter les difficultés, et surtout, réaliser des performances toujours supérieures. Voilà, reportage sur cette terreur du jeu vidéo et de sa globalisation. Nous sommes en 1983 sur Antenne 2. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Jocelyne Caboche. C'était effectivement les prémices de ce que l'on pressent aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeux vidéo sont devenus une addiction, même si elles ne sont pas strictement définies ainsi encore. Avec bon, effectivement une recherche compulsive, une attention qui est entièrement prise par cette activité et qui se rapproche de très près de la définition d'une addiction aux substances en fait. Alors on va voir justement les liens, les différences et les similitudes entre addiction aux substances et addiction comportementale. Une réaction à cette archive, Marc Valeur? Et oui, en 83 c'était le début des jeux vidéo et on peut voir voir que ça faisait déjà peur. On commence par en parler au niveau des risques que ça pourrait amener, comme devant toute nouveauté, on commence bien sûr par se méfier. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent, puisque les jeux vidéo sont devenus la principale industrie culturelle du monde, avant la littérature, le cinéma et la musique. Donc on est dans un autre monde par rapport à 83. On entend en 83 des termes très forts, hein, ce mal qui répand la terreur. Oui, oui, alors qu'aujourd'hui, on a été probablement les premiers en France à Marmottan à recevoir des joueurs de jeux en réseau à partir de 97-98. Mais on en est toujours à une toute petite cohorte et on est devant des problèmes qui, au niveau de la société, sont relativement minimes par rapport à l'ampleur de la pratique. Et le côté négatif qui existe, bien sûr, doit être mis en balance par rapport à tout ce que ça peut apporter par ailleurs de positif. Alors on va essayer de définir hein, bien cette addiction. Est-ce qu'on parle d'ailleurs d'addiction? Est-ce qu'il faut trouver peut-être, pourquoi pas, une autre terminologie? Puisqu'aujourd'hui, Jocelyne Caboche, la seule addiction comportementale officiellement reconnue, c'est l'addiction au jeu d'argent. Effectivement. Donc en fait, cette définition a été donnée par un manuel, qui est un manuel de référence pour les psychiatres. Le DSM-5. Le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et statistique des maladies psychiatriques. Et effectivement, ce qu'on appelle le gambling, le jeu d'argent, répond aux définitions principales hein, de l'addiction, qui est la recherche compulsive hein, d'une activité ou d'une substance, avec une perte de contrôle pour l'usage de cette activité. Et ce qui est important aussi, c'est la rechute, même après des années d'abstinence. Donc effectivement, les autres comportements ne sont pas encore définis comme des addictions. Mais peut-être que nous verrons au cours de l'émission, les études sont peut-être un petit peu plus récentes et on définira ça peut-être plus. Absolument, on va voir ça au cours de cette émission. Peut-être ce qui est important, c'est qu'effectivement, hein, le gambling disorder en anglais, l'addiction au jeu d'argent. Bah, encore une fois, j'utilise addiction, mais peut-être que on va voir si ce mot pose peut-être problème, Marc Valeur. Est-ce qu'il faut parler d'addiction? Est-ce qu'on est face vraiment à des troubles qui sont à ce point similaires qu'on puisse employer la même terminologie? Moi, je pense que oui. Et je pense qu'il faut le faire et je pense qu'il faut défendre cette position et que ça permet de réfléchir à toutes ces différentes formes d'addiction. Le jeu d'argent a été reconnu comme une maladie depuis très très longtemps. 1980, c'est rentré dans le DSM, dans la troisième édition du DSM. C'était classé dans le trouble du contrôle des impulsions. Mais le premier traité médical sur le jeu pathologique date de 1561, donc au XVIe siècle, un médecin pouvait déjà dire que c'était une maladie qui devait être prise en charge par la médecine et qu'il fallait faire pour ça ce qu'on appelle aujourd'hui une psychothérapie. Donc ça existe depuis longtemps, ce qui est nouveau en 2015. Psychothérapie au XVIe siècle, c'était peut-être un petit peu anachronique, mais pourquoi pas, en tout cas, une sorte de travail. on pourrait en parler, les bases étaient pas mal posées déjà à l'époque. Ce qui a été nouveau en 2015, c'est que ça a été classé comme addiction sur le même plan que les addictions avec substance. C'est là qu'il y a eu une nouveauté, c'est que c'est rentré dans le même groupe. Alors, quant aux jeux vidéo, juste une remarque, l'OMS a reconnu dans sa classification un trouble de l'usage des jeux vidéo très récemment. En mois de mars dernier, dans sa classification internationale des maladies, ça veut dire que vraisemblablement, ce gaming disorder, qui n'est plus un gambling mais un gaming disorder, cette addiction aux jeux vidéo fait son petit chemin jusqu'au DSM-6, vraisemblablement, Jocelyne Caboche? Alors oui, alors qu'est-ce qu'on peut? On peut effectivement dire que pour évoluer vers une définition stricte de l'addiction, il nous faut des marqueurs, on va dire, des marqueurs cliniques et des marqueurs neurobiologiques qui permettront effectivement de classer cette pathologie comme une addiction. Alors ces marqueurs neurobiologiques, on les connaît dans le cas des substances, on les connaît aussi dans le cas du gambling. Du jeu d'argent. Et du jeu d'argent, pardon. Non, mais c'est en prix. Donc ce sont des marqueurs que l'on peut définir à la fois sur des modèles précliniques et qui sont aussi définis, qui sont représentés par de l'imagerie fonctionnelle chez l'homme, où l'on peut voir des modifications des circuits neuronaux, et notamment des modifications des circuits que l'on appelle les circuits de la récompense. Et c'est exactement ce dont on va parler dans les prochaines minutes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des addictions comportementales tout au long de cette heure en compagnie de Jocelyne Caboche et Marc Valeur. Alors avant d'ouvrir la boîte crânienne en quelque sorte et d'aller regarder ce que vous évoquiez à l'instant, Jocelyne Caboche, c'est-à-dire que sont les mécaniques neurobiologiques de l'addiction aux substances, qu'on pourra ensuite comparer ou non avec les addictions comportementales, peut-être qu'il faut préciser que quand on parle d'addiction, ça n'a pas tout à fait le même sens que ce soit neurobiologique, que ce soit clinique, soit en termes de santé publique, ça recouvre tout de même une grande galaxie de comportements. Oui, ça recouvre, disons qu'on essaie de recouvrir le comportement, les marqueurs neurobiologiques, l'imagerie cérébrale, même si c'est pas fait forcément systématiquement. C'est vrai que en termes de symptômes, on peut assez facilement associer une addiction à une substance à des symptômes. Bon, on a dit prise compulsive, perte de maîtrise par rapport à la prise de la drogue. Et les rechutes, la dépression, les comorbidités qui peuvent associer au sevrage, par exemple. Et parfois, on est amené à faire des études plus approfondies, donc des études neurobiologiques qui visent à, par exemple, faire de l'imagerie cérébrale chez l'homme. Il faut savoir que toute cette base neurobiologique a été établie initialement chez des modèles précliniques, où on a pu un peu comprendre comment fonctionnaient les substances. Ça, c'est des études qui datent d'une cinquantaine d'années maintenant, où effectivement on a pu enregistrer l'activité cérébrale chez des animaux dans différentes régions du cerveau, mesurer la libération de certains neurotransmetteurs et faire établir un lien strict entre un neuromédiateur, un neuromodulateur qui s'appelle la dopamine et l'addiction. Alors, comment ça marche ? Donc la dopamine, elle est sécrétée par des neurones qui sont localisés à la base du cerveau, qui sont des neurones à dopamine, dans une aire qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, et qui va innerver plusieurs structures du cerveau qui ont des rôles complémentaires. Donc on va parler du cortex préfrontal, on va parler du noyau accumbens et de l'amygdale. Cortex préfrontal, ça joue un rôle important dans la prise de décision. Le striatum, le noyau accumbens, dans la motivation, le plaisir. L'amygdale dans les effets émotionnels, les valeurs émotionnelles. Alors, On peut préciser, je vous interromps une seconde et je vous laisserai continuer, on peut préciser que ce circuit dopaminergique, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est ce qui est absolument nécessaire à nos survies. Absolument. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait donner envie de manger, donner envie de boire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très profond en termes évolutifs. Absolument. C'est-à-dire que la récompense est une émotion positive, c'est-à-dire qui est associée à un plaisir et qui est importante pour guider nos comportements, la recherche d'une nourriture, la reproduction, le sexe, mais qui est important aussi pour éviter des punitions. Donc en fait, la récompense est associée à des notions de renforcement. On va parler de renforcement positif. C'est on va adapter son comportement, augmenter son comportement pour obtenir une récompense, par exemple une nourriture ou du sexe. Ou alors, à l'inverse, on va inhiber son comportement pour éviter une situation déplaisante ou une punition. Et la dopamine joue un rôle prépondérant dans ce comportement de récompense. Marc Valeur, est-ce que vous voulez continuer à explorer un peu ce circuit de la récompense et ces circuits dopaminergiques, puisque ce ne sont pas les seuls qui sont activés dans des mécanismes de dépendance à la substance. Au niveau de la définition, il faut remarquer que la clinique, la neurobiologie et la santé publique sont des regards différents sur les addictions. Et en même temps, chacun découpe un objet addiction qui n'est pas forcément tout à fait le même. On peut penser que pour le clinicien, la définition de l'addiction et ce qui légitime son intervention, c'est le fait qu'une personne veut changer son rapport de consommation à un produit ou à une pratique et n'y parvient pas toute seule. C'est à la fois ce qui est votre position de clinicien. Oui, c'est absolument ce qui définit l'addiction et ce qui permet l'intervention clinique. Pour le neurobiologiste, il faut soupçonner dans cette persistance d'un comportement, malgré les conséquences négatives, un substrat biologique, un facteur X, qui, à mon avis, reste un peu à déterminer, on n'est pas sûr. Et pour la santé publique, il s'agit de mesurer tous les inconvénients d'un usage, même s'il n'y a pas de dépendance. On va faire rentrer dans l'addiction, là, tout ce qui est usage nocif, conséquences négatives. Par exemple, pour l'alcool, on fera rentrer les accidents de la route, etc., qui ne sont pas forcément liés à la dépendance. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça montre qu'il y a une acception très vaste de cette notion d'addiction et que eh bien, chacun l'envisage et le traite finalement en fonction de ce que ça recouvre dans sa spécialité. On reviendra sur cette notion clinique d'addiction et sur la volonté. On entendra tout à l'heure un reportage à l'hôpital Marmottan, qui est un hôpital qui s'occupe, auquel vous allez travailler, de ce traitement et d'accompagnement des pratiques addictives. J'aimerais qu'on continue un petit peu parce que ça va être intéressant pour superposer en quelque sorte les cartes neurobiologiques de cette conception et de cette acception neurobiologique de l'addiction. Donc ce circuit dopaminergique extrêmement important, circuit de la récompense, circuit très ancien qui est vraiment très lié à notre nécessité de survie. Il y a deux autres circuits qui sont qu'on dit travailler en couplage, qui sont les circuits noradrénergiques et sérotoninergiques, qui sont aussi impliqués dans des mécanismes de dépendance ou dont le dysfonctionnement finalement va renforcer les aspects ensuite négatifs de la dépendance. Oui, effectivement, il existe des systèmes sérotoninergiques et noradrénergiques qui vont être découplés, qui vont modifier l'activité de certains circuits neuronaux, qui, de façon intéressante et importante, convergent également sur ces circuits de la récompense. Et donc, en fait, il existe une balance un petit peu entre renforcement exagéré des circuits de la récompense par la dopamine. On sait que toutes les substances d'abus augmentent chimiquement, toutes les drogues, donc on va parler de la cocaïne, la nicotine, toutes les drogues agissent de la même façon, c'est-à-dire qu'elles augmentent artificiellement et chimiquement la concentration de dopamine dans ces circuits de la récompense. Et la noradrénaline, la sérotonine agissent en modulant cette activité. Donc en fait, effectivement, on peut parler d'une triade. Alors, je voudrais juste rajouter quand même que on a quand même aussi des éléments factuels, on va dire, sur la libération de dopamine chez l'homme et la prise de substances. On va parler tout à l'heure aussi des comportements. C'est qu'on peut faire de l'imagerie cérébrale et voir ces activités neuronales dans ces structures. Donc, on parlait tout à l'heure du striatum ventral. Et on peut aussi mesurer les niveaux de dopamine, en tout cas les niveaux d'expression des récepteurs de la dopamine ou de la sérotonine. Et on va voir qu'il y a des modulations chez l'homme dès la première prise, par exemple, de cocaïne. Et ce sont des régulations qui sont extrêmement stables parce qu'on peut voir même 2 mois, 6 mois après la prise d'une drogue, une prise unique de cocaïne par exemple, ces marqueurs sont toujours modifiés dans le cerveau des patients. Voilà. Et comment est-ce qu'on explique, alors justement pour rester encore un peu en neurobiologie, puis on va étendre et on va passer à la clinique dans quelques instants, mais comment est-ce qu'on explique du coup, alors on voit bien ce système de récompense, le cerveau qui est inondé sous la dopamine et le sentiment de plaisir, de désinhibition, tout cela on l'entend bien, comment se mettent en place les mécanismes de dépendance, donc la volonté de revenir et finalement les mécanismes de manque? Alors en fait, la dopamine, elle agit dans des neurones, sur au niveau de ce qu'on appelle des récepteurs, qui vont signaler à l'intérieur du neurone la présence de cette dopamine en excès. Et ça va aller jusqu'à impacter le programme génique. Alors on va pas parler de génétique, on va parler de génique, parce que nous allons voir qu'il y a des facteurs de vulnérabilité aux substances. Ça, c'est important, parce que je pense que ça existe aussi pour les comportements. Donc ça va modifier l'expression de l'ADN, modifier les neurones, les propriétés des neurones et les circuits neuronaux. Et ça va induire une forme de mémoire pathologique de la drogue, hein, d'où cette recherche compulsive, en fait. Donc, on a ce plaisir qui a été associé à la prise de la drogue. Et en fait, rien ne va pouvoir compenser ce plaisir parce qu'il est tellement fort. Il a impacté finalement le fonctionnement du neurone de façon durable que les plaisirs naturels seront mineurs, on va dire, par rapport à ça. Alors, jusqu'à certains points, faire d'une sorte de, enfin, employer la plasticité cérébrale pour lier, par exemple, des contextes de prise avec la prise de drogue, et donc du coup, il suffit de se retrouver dans un contexte similaire. On peut penser, par exemple, avec la nicotine, qui est une drogue très courante mais très puissante. Rappelons-le. C'est la plus puissante, effectivement. Voilà. Effectivement, le facteur environnemental est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces circuits qui associent différents noyaux. On va parler également de l'hippocampe, qui est associé donc effectivement à l'environnement dans lequel on se trouve, et on va être d'autant plus enclin à reprendre une cigarette ou un verre de vin dans un environnement dans lequel on a été habitué, où on a pris au préalable ces substances. Et c'est important, on le verra pour les addictions comportementales. Un mot, Marc Valeur, en complément. Oui, non, sur les réactions à l'environnement, on sait maintenant, je pense, au niveau de neurobiologie, que quand le chien de Pavlov salive, c'est parce qu'il a sécrété de la dopamine en entendant la cloche. C'est quelque chose de tout à fait important, ces expériences de Schultz sur les singes de Schultz qui ont démontré ça. Donc on sait bien que tout ce qu'on vit a un corrélat neurobiologique, tout ce qu'on vit psychiquement a un corrélat neurobiologique. Par contre, quand on parle de plaisir, de dépendance, de risque de ce plaisir et de risque de, que ça devienne engloutissant et dépendant, on parle de phénomènes qui préoccupent les hommes depuis l'Antiquité. Et pour avancer et aller vers notre problématique du jour que sont les addictions comportementales, aujourd'hui, on voit bien que ce que vous avez évoqué, et on pourra reparler d'ailleurs de l'inégalité face à l'addiction et des inégalités génétiques qui sont très importantes, il y a un contexte génétique sur lequel on reviendra, mais on voit bien que quand on ingère un certain nombre de produits, un certain nombre de drogues, nicotine, cocaïne, héroïne, etc., eh bien, ces drogues viennent modifier la chimie cérébrale. Est-ce qu'on peut dire, et peut-être est-ce la première limite, que des comportements vont avoir des mécaniques neurobiologiques aussi puissantes que l'ingestion de ces produits? Alors oui, ça c'est tout à fait vraisemblable. Donc Monsieur Marc Valeur évoquait tout à l'heure les travaux d'un chercheur suisse qui s'appelle Wolfram Schulz, qui a vraiment fait un travail très important pour relier, disons, la dopamine et le système de récompense. Donc en fait, en gros, l'expérience, je vais essayer de l'expliquer rapidement et ensuite faire un parallèle avec l'homme. Donc en fait, c'était des expériences qui étaient réalisées chez des primates qui reçoivent un jus de fruit, donc une récompense naturelle, et on voit les neurones à dopamine qui ont une activité qui est plus importante. Ensuite, on va associer cette récompense, on va faire ce qu'on appelle un conditionnement pendant plusieurs jours de suite. On va associer cette récompense à un signal lumineux, et là, les neurones à dopamine vont s'allumer au moment où le signal lumineux est mis en jeu, mais pas au moment de la récompense. Et si le signal lumineux est présent, mais que la récompense n'est pas donnée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le jus de fruit, alors là, on voit que les neurones à dopamine baissent leur activité. Alors, des expériences à peu près similaires ont été faites chez l'homme, y compris dans des expériences de gambling. Donc en fait, les jeux d'argent. Pas de problème, vous n'en faites pas. Je suis là pour ça. Toujours par ces études d'imagerie fonctionnelle, par résonance magnétique, où des patients, enfin des individus, ont été mis dans un scanner avec une tablette, et ils ont un jeu d'argent à réaliser, et on réalise en direct un enregistrement de leur activité cérébrale. Et on voit que là, lorsqu'ils reçoivent de l'argent de façon inattendu, on voit l'activité des neurones dopaminergiques qui augmente. Et de la même façon que les expériences chez le singe, si on présente un signal, bon, par exemple, on va associer la récompense, c'est-à-dire l'argent, à une icône, par exemple, si on va conditionner le patient à voir cette icône et à recevoir de l'argent, alors là, les neurones à dopamine vont s'activer, mais de façon moindre, parce qu'ils ont été conditionnés. Et de la même façon que chez le singe, s'ils reçoivent s'ils voient l'icône et qu'ils n'ont pas l'argent, alors on voit les neurones à dopamine qui baissent d'activité. Donc on peut faire vraiment des parallèles, pas dire stricts, mais quand même des parallèles entre les mécanismes neurobiologiques associés à des substances, à la récompense naturelle et au jeu d'argent. Marc Valeur. C'est formidable, moi je suis très content d'entendre ça, parce que lorsqu'on a parlé de jeux pathologiques les premières années, depuis 97-98, on avait un peu de mal avec certains neurobiologistes, et par exemple notre ami Jean-Paul Tassin, qui avait beaucoup de mal à imaginer que ça puisse être sur le même plan. Il disait, mais c'est pas possible, parce que il s'agit d'une stimulation artificielle, exogène, par un produit des circuits de la récompense. On ne peut pas imaginer que naturellement on puisse arriver au même niveau que ces stimuli. Or, il semble bien qu'on y arrive. Alors, est-ce qu'on arrive vraiment au même niveau? Pas tout à fait. D'après les études, en tout cas, que j'ai pu consulter, il y a une corrélation très forte, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes courbes, les mêmes mouvements, mais on n'arrive pas exactement au même niveau de stimulation. Est-ce qu'on sait ça? Parlons juste des jeux d'argent pour le moment. Pour les jeux d'argent, on n'arrive peut-être pas au même niveau de stimulation d'activité. En revanche, moi j'ai vu des données très récentes, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les jeux vidéo et les niveaux de dopamine dans le cerveau, effectivement. Marc Valeur? Oui, c'est intéressant. Mais même par rapport aux drogues, aux drogues dures, je pense qu'il y a eu une expérience de neurobiologistes qui montrait qu'ils avaient réussi à réverser la dépendance à la cocaïne chez des rats en leur donnant du sucre extrêmement fort. Absolument. La différence, c'est que la cocaïne était injectée directement dans l'organisme, alors que le sucre, il fallait que les rats le prennent avec leur bouche pour avoir la sensation du sucre. Mais ça veut dire qu'on pourrait faire dire à cette expérience que pour ces rats, le sucre était une drogue plus dure que la cocaïne. Mmh. backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. In the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Video Games de Lana Del Rey à 16h30 sur France Culture, c'est ce dont il est question tout au cours de cette heure, puisque nous parlons des addictions dites comportementales, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les films pornographiques également. On va discuter de la similarité qu'il peut y avoir entre ces addictions comportementales et des addictions à des substances. Nous en parlons avec Jocelyne Caboche, qui est neurobiologiste, directrice de recherche CNRS et chef de l'équipe signalisation neuronale et régulation génétique au laboratoire neurosciences Paris-Seine à Sorbonne Université, et Marc Valeur, psychiatre et ancien médecin-chef de l'hôpital Marmottan, spécialisé dans les soins et l'accompagnement de pratiques addictives. Et c'est là où nous allons nous rendre immédiatement à l'hôpital Marmottan, puisque la réalité sociale, en tout cas, on a dit que les addictions avaient différentes acceptions, et cette acception sociale est que de nombreuses personnes souffrent d'un rapport pathologique à une pratique, comme les jeux d'argent, donc les jeux vidéo ou la pornographie. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu dans ce fameux hôpital Marmottan, au centre de soins et d'accompagnement des pratiques addictives, qui propose un service d'accueil dédié aux addictions comportementales. Oui, ce service propose un accueil pour les personnes qui souffrent d'addictions sans drogue, principalement en ce qui concerne les jeux d'argent, les jeux vidéo et la pornographie. Ces soins sont anonymes, ils sont volontaires et gratuits. J'ai retrouvé Mario Blaise, qui est chef du service, psychiatre spécialisé dans les addictions comportementales. Il m'a présenté l'approche développée ici avec psychiatre, psychologue, éducateur, médecin généraliste pour traiter de manière plus ciblée et globale les patients en fonction de son addiction. Au centre médical Marmottan, on a commencé à s'occuper des jeux d'argent. le jeu d'argent, c'est les paris hippiques, les jeux de casino, c'est les jeux de grattage, c'est le poker aussi. Donc c'est les gens qui commençaient à se mettre à prendre des risques et à avoir un peu les mêmes problématiques que des patients toxicomanes aux produits. Il y avait vraiment quelque chose de commun. Donc ça a commencé par les joueurs d'argent. Petit à petit, il y a d'autres joueurs qui sont reconnus. Donc c'était des joueurs de jeux vidéo qui eux aussi, c'était le début des jeux en ligne. Et donc là, certains joueurs sont venus aussi se reconnaissant, eux, dans cette problématique-là. Des usages, on va dire, excessifs, un peu problématiques. De votre point de vue de médecin psychiatre, quel parallèle on peut établir entre les addictions avec drogue et celles sans drogue pour pouvoir mieux anticiper, prévenir et comprendre les mécanismes mis en jeu? Le point commun entre addiction sans drogue et addiction avec drogue, c'est dans le processus. C'est le fait que petit à petit, une habitude devient problématique, on perd le contrôle. C'est le processus qui est commun. Ensuite, en fonction du type d'usage, du type d'habitude, du type de drogue, il va y avoir des particularités, des spécificités. Certaines sont licites, d'autres sont illicites, donc ça entraîne des choses différentes. Et souvent, les problématiques associées sont aussi différentes. Et c'est souvent de ça que dépend le pronostic. Plus il y a de conséquences somatiques, plus ça va être problématique. Plus il y a de conséquences sociales avec, plus ça va être problématique. Plus il y a de conséquences psychiatriques associées, plus ça va être problématique. Comment ça se passe une séance? Est-ce que vous pourriez me décrire un peu le processus que vous proposez à ces personnes-là? Alors, la base des soins en addictologie, ça repose beaucoup sur la parole, mais pas uniquement. Les médicaments peuvent être aussi d'une grande aide. Les techniques psychothérapiques également sont d'une grande aide. Il n'y a pas de test diagnostique ou d'examen biologique ou de manière de faire un dépistage pour savoir si quelqu'un a une addiction ou non. Il y a des échelles qui sont beaucoup plus utilisé en recherche, en pratique un peu moins. C'est d'abord le vécu subjectif et la demande de la personne qui est importante. Est-ce qu'il y a une approche aussi pluridisciplinaire avec différents experts pour mieux appréhender ces troubles dans leur complexité? Alors en pratique, nous on a donc à Marmottan la particularité d'avoir plusieurs unités avec des indications un petit peu différentes. Donc il y a une unité de consultation addicto-psychiatrique où là c'est pour des consultations ambulatoires en vue de parler des problèmes liés à l'addiction. Il y a une autre consultation qui est spécialement dédiée aux problèmes somatiques, où c'est l'accès à des médecins généralistes. Et il y a aussi une hospitalisation. Il y a 12 lits d'hospitalisation où on peut permettre à des usagers, à des consommateurs, de faire un séjour de rupture, de prendre du recul. Et on fait de sevrage dans des moments de crise le plus souvent. Donc ça, c'est les trois unités cliniques. Et donc, dans ces unités-là, il y a plusieurs catégories de personnel, si on peut dire. Alors, il y a des médecins, généralistes, psychiatres, mais aussi des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs. Il y a beaucoup d'ateliers psychocorporels aussi pour faire en sorte, dans les moments de sevrage, mais pas que, aussi en ambulatoire, que les usagers puissent retrouver leurs sensations corporelles, apprennent à travailler aussi avec leurs émotions. Enfin, voilà tout ce qui peut être travaillé à différents moments de la trajectoire des usagers. Vous travaillez avec beaucoup d'experts différents. Est-ce que vous travaillez aussi avec des neuroscientifiques pour comprendre vraiment en amont de la partie vraiment biologique? On est avant tout un terrain clinique. C'est-à-dire que parfois, certains de nos usagers suivis ici participent à des recherches et on suit activement les progrès de ce que peuvent amener les neurosciences, bien sûr, mais aussi les techniques psychothérapiques. Et c'est intéressant, mais il y a eu beaucoup d'espoir fondé dans les neurosciences depuis une vingtaine d'années. Mais en application thérapeutique directe, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui soit véritablement opérant dans le champ de la clinique. Pour les addictions comportementales, il n'y a aucun traitement médicamenteux de référence. C'est surtout la psychothérapie, l'accompagnement. Et ça se soigne finalement? Et ça se soigne. Et ça peut effectivement se soigner. C'est-à-dire que les gens qui peuvent venir régulièrement ou par séquence dans les moments les plus compliqués de crise peuvent être aidés et sont aidés à diminuer l'emprise de ces comportements-là et de l'addiction. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire « ça se soigne » ? Ça se soigne, ça ne veut pas forcément dire que les personnes sont abstinentes totalement. Souvent, c'est un piège de penser ça, surtout dans les addictions comportementales, que ce soit l'addiction sexuelle, que ce soit l'addiction au jeu. Ce qui est important, c'est que les personnes parviennent à nouveau à retrouver un contrôle de leur usage, de leur consommation. Retrouver la liberté de s'abstenir. Exactement, retrouver la liberté de s'abstenir. Le reportage du jour, donc, dans ce centre de soins et d'accompagnement des pratiques addictives à l'hôpital Marmottan. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marc Valeur? Oui, je crois qu'on est maintenant arrivé dans un monde où il faut parler d'addiction au sens large, dans lequel les addictions avec drogue, que ce soit toxicomanie, alcool, tabac, sont en quelque sorte un sous-groupe. Et je suis content de voir que ça s'est vécu comme ça à Marmottan, qui avait commencé en 1971 comme un centre extrêmement spécialisé de prise en charge des toxicomanes non alcooliques. C'était vraiment très très spécialisé à une époque précise de l'histoire. Et maintenant, si on accepte de recevoir les gens en disant simplement, si vous estimez que vous n'arrivez pas tout seul à cesser une pratique, vous pouvez venir nous voir. Et c'est comme ça qu'on a pu voir apparaître des joueurs d'argent dans un premier temps, puis des joueurs de jeux vidéo, et de plus en plus des addicts au sexe, aux sites pornographiques sur Internet et aux sites de rencontres. C'est la clinique qui nous dit ce qu'est une addiction, ça vient pas du DSM. Et voilà, et on voit bien, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien effectivement la différence d'approche qu'on peut avoir entre la neurobiologie d'une part et la clinique de l'autre. La question que j'aimerais vous poser, Marc Valeur, tout de même, c'est est-ce que, donc, toujours pour mettre un peu en face à face ces toxicomanies avec produits et ces addictions sans produits, on voit bien que dans les toxicomanies avec produits, il y a souvent des comorbidités, il y a beaucoup, il y a des effets psychoactifs aussi, des effets de sevrage qui peuvent être extrêmement violents. Est-ce que on peut mettre exactement en regard ce type d'effet physiopathologique très puissant avec des addictions comportementales? Bien sûr que non, chaque produit est différent, chaque addiction est différente et il faut tenir compte de ce qui est autre chose que l'addiction dans les addictions. L'intoxication aiguë, ça n'est pas l'addiction, mais c'est évidemment très très différent selon les produits. De même, les conséquences physiologiques peuvent être extrêmement nocives, indépendamment de l'addiction. L'alcool est extrêmement dangereux parce qu'il est toxique pour le corps, pour le foie, pour le cerveau, pour un tas de choses, en dehors de toute question d'addiction. Donc les modèles de la toxicomanie et de l'addiction ont beaucoup évolué en fonction des produits qui posaient problème à la société. Pendant les années 60, c'était l'héroïne. Et là, les définitions officielles de l'addiction, c'était la dépendance et la dépendance physiologique et le syndrome de sevrage. Après, la cocaïne est devenue très très problématique. Et à ce moment-là, ce qui est devenu le marqueur d'addiction, c'est le craving, c'est l'impulsion, l'envie irrésistible, l'envie à aller chercher quelque chose. On remercie les toxicomanes d'avoir changé de produit, ça a permis de faire évoluer les modèles. Maintenant, c'est les addictions sans substance et on arrive enfin à s'apercevoir que ce qu'on traite, ce sont des problèmes très aigus, très importants, mais qui sont une pointe extrême d'un océan de problèmes qui existent depuis toujours et qui touchent à la régulation du plaisir, à la consommation, à la fois à la passion d'un côté et à l'habitude de l'autre, qui sont des thèmes fondamentaux de la philosophie. Autre question à Marc Valeur, est-ce qu'on ne pourrait pas, toujours dans cette quête un peu sémiologique autour de cette notion d'addiction qui est effectivement très vaste, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler, pour ce qui est des addictions comportementales, de comportement obsessionnel? Et non. Il peut y avoir un lien avec les obsessions et les compulsions. Il y a une dimension compulsive d'addiction. Certains chercheurs définissent l'addiction comme un comportement qui commence de manière impulsive, c'est un comportement impulsif, on a envie de quelque chose, on peut pas résister, c'est le craving, c'est l'envie irrésistible, c'est la passion amoureuse, on peut pas s'en empêcher, il faut qu'on force, et qui devient progressivement compulsive, obligé, où on continue parce qu'on est obligé de le faire alors que le plaisir immédiat a disparu. Ça serait une sorte de gradient qui va de l'impulsion à la compulsion. Mais c'est une dynamique spécifique que celle de l'addiction qui mélange ces deux dimensions, l'une de passion et d'attirance et l'autre d'habitude, de routine et de sevrage et d'impossibilité d'arrêter. Jocelyne Caboche, votre point de vue sur, finalement, encore une fois, cette envergure physiopathologique des toxicomanies à produits et cet autre aspect des addictions comportementales qui ne vont pas jusqu'à ces extrêmes que l'on peut trouver dans l'abus de drogue. Alors, d'un point de vue des neurobiologistes, on définit l'addiction un petit peu différemment. Enfin, je pense qu'on retrouvera quand même les mêmes notions. C'est-à-dire qu'on a une prise, la première prise d'une substance ou la première exposition à un jeu vidéo ne va pas forcément rendre quelqu'un d'addict. Enfin, va pas. Donc, ça va être ce qu'on appelle un usage récréatif. Et petit à petit, les événements de la vie faisant, on va augmenter la consommation, mais on va pas pour autant devenir addict non plus. Et chez certaines personnes, et c'est là que c'est important quand même à noter, cette dépendance va devenir compulsive et va définir une addiction. Donc avec, pour ce qui est des substances, ce critère supplémentaire qui est l'incapacité l'obligation de rechuter même après du sevrage. Alors pourquoi on peut définir effectivement en fonction des substances, et je pense que pour les addictions comportementales c'est la même chose, on définit un certain pourcentage de la population qui va être plus enclin à devenir addict, avec des facteurs génétiques qui sont très importants et des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire ce qui est relié à l'environnement. Dans les facteurs épigénétiques, il y a tout ce qui est associé aussi au développement, le développement cérébral, l'environnement social, le tissu social, l'accès aux drogues, l'environnement aussi des amis, des copains à l'école et tout ça. Donc ça va accélérer, ça va définir l'addiction chez un certain pourcentage de la population. Alors pour les substances, on va dire que la substance la plus addictive, c'est la nicotine, puisqu'on a environ 45% des sujets qui sont addicts à la nicotine, qui prennent du tabac, qui seront addicts. Pour aller ensuite sur des substances moins addictives, jusqu'au cannabinoïde pour 9%. Et cette notion d'addiction aux substances, au comportement pour le jeu pathologique est définie aux alentours de 15-20%, je crois, ce qui est quand même énorme. 15-20% des... C'est-à-dire... Ça dépend qui on fait rentrer les joueurs. Si on prend la masse des joueurs en France, par exemple, c'est-à-dire plus de 50% de la population qui joue au moins une fois par an, le nombre de joueurs réellement pathologiques qui pourraient bénéficier de soins est extrêmement faible. On est à 0,6% de l'ensemble de la population. Si on prend les personnes qui jouent à des jeux particulièrement addictifs, le poker, les pronostics sportifs, les pronostics hippiques, à ce moment-là, on aura un pourcentage bien plus élevé, parce que jouer une fois par mois à l'euro-million ou au loto, ça n'est évidemment pas addictif. Ah, justement, quelle est la limite, quelle est la frontière entre un comportement, finalement un usage régulé, et à quel moment on considère que cet usage devient pathologique, qu'il s'agisse de jeux d'argent, de jeux vidéo, de pornographie ou que sais-je. Quel que soit l'objet d'addiction, le clinicien ne peut que penser que c'est le sujet lui-même qui va poser le diagnostic. On ne va pas tellement le diagnostic à l'extérieur, c'est quand la personne elle-même ne trouve plus du tout de plaisir dans cette conduite, quand elle se sent obligée de continuer parce qu'elle est devenue dépendante, quand elle voudrait arrêter mais qu'elle n'arrive pas à arrêter toute seule, à ce moment-là, on peut dire qu'on est devant une addiction, même si c'est une conduite qui n'est pas encore dans le DSM, classifiée, etc. Donc c'est ça notre repère. Hein. On peut l'objectiver en disant c'est la persistance de la conduite, malgré les conséquences négatives. On peut l'objectiver en disant c'est les tentatives répétées, mais infructueuses, pour cesser la conduite. Mais c'est ça le critère. J'aimerais qu'on parle un peu plus précisément du jeu vidéo, parce que donc le jeu vidéo, c'est une addiction qui fait débat, qui est très très mal vécue, en tout cas que ce puisse être considéré comme une addiction ou un parallèle aux toxicomanies par la communauté de joueurs. Et comme vous l'avez dit, Marc Valeur, c'est une communauté très importante, hein, première industrie culturelle aujourd'hui. Et pourtant, puisqu'on parlait de Fortnite au début de cette émission, il y a un cabinet d'avocats montréalais qui a engagé une action de groupe, une class action à l'américaine, contre le développeur de Fortnite, l'éditeur Epic Games, à cause des mécanismes du jeu dont les récompenses, défis et autres objets virtuels vendus contre de l'argent réel qui sont conçus pour provoquer l'addiction des joueurs afin qu'ils passent le plus de temps possible devant leur écran et dépenser sans compter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certains éditeurs de jeux qui utilisent les biais de la neurobiologie ou des mécanismes de récompense pour piéger en quelque sorte le joueur à l'intérieur de leur univers. Bien sûr, mais c'est le propre de la société de consommation, et on pourrait dire qu'il y a même des disciplines qui sont en train de s'inventer, comme le neuromarketing, où on voit qu'on va essayer d'utiliser les découvertes de la neurobiologie pour pouvoir accrocher les gens, mais à tout, pas seulement au jeu, à tous les objets de consommation d'une manière générale. Et c'est là, je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions. J'ai été un des premiers à parler d'addiction au jeu en réseau. On a eu des réactions terribles de beaucoup de joueurs, de sites, qui disaient « mais enfin, vous dites que c'est une drogue, c'est terrible, etc. » Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut bien élargir le champ des addictions, parce que il y a une confusion du fait du mot drogue. On a été un peu intoxiqué par l'héroïne et la cocaïne, et ça fait très peur. Les gens pensent que parce qu'il y a une possibilité d'addiction, l'objet est forcément mauvais, satanique, dangereux, etc., et qu'on va diaboliser les jeux vidéo, par exemple. Bon, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut élargir les notions d'addiction à la sexualité et à la nourriture. Qu'est-ce que les épidémies d'obésité, de boulimie, sinon des formes d'addiction? Et on va pas dire, personne ne pense à dire que la sexualité est une mauvaise chose et que la nourriture est une mauvaise chose. Par contre, la possibilité d'addiction existe. C'est pareil pour le jeu vidéo. On pourrait même évoquer le travail, hein, pourquoi pas. Non, mais enfin, finalement, votre point de vue, Jocelyne Caboche, là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, quand il y a effectivement un certain nombre de jeux, on parle de Fortnite aujourd'hui, on parle de ces jeux qu'on appelle free-to-play, c'est-à-dire des jeux dont on vous dit venez, c'est gratuit, et en fait, c'est pas tout à fait gratuit. C'est-à-dire que, eh ben, on va vous proposer sur une base régulière d'acheter un petit complément, un objet en plus, un sac, un truc qui va vous donner des compétences particulières. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais très vite, quand vous êtes pris là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Bah, en fait, là, on est vraiment tout à fait dans les notions de neuromarketing, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'attente d'une récompense un petit peu supplémentaire. Donc effectivement, on réactive ces systèmes neurobiologiques, ces systèmes de la récompense, et c'est d'autant plus important que ça va être inattendu, c'est-à-dire que on va pas savoir forcément quelle va être la récompense qu'on va recevoir. Donc ça va renforcer effectivement le mécanisme addictif. C'est ce qu'on appelle la boîte de Skinner. Vous pouvez nous expliquer ça? La boîte de Skinner, c'est une boîte qui a été mise en place par des neurobiologistes dans les années 50. Non? Oui. Non, Burroughs, Frédéric Skinner est un grand pape du comportementalisme, et il avait effectivement fait, il a dressé les rats, oui, et les pigeons avec des mécanismes de renforcement. Alors ce qu'on appelle la boîte de Skinner, c'est ces boîtes dans lesquelles, avec des labyrinthes et des leviers, il apprenait des choses aux rats. C'était un formidable dresseur de rats et de pigeons. Il arrivait à leur faire des choses, etc. Et à partir de là, il déduisait des lois de renforcement des comportements pour voir comment on pouvait apprendre aux gens à acquérir une conduite et comment on pouvait les accrocher à cette conduite. Et lui pensait que le meilleur équivalent humain de sa boîte de Skinner pour les rats, c'était la machine à sous pour les hommes, parce que c'est un renforcement aléatoire en intervalle, c'est-à-dire on gagne pas tout le temps, et en quantité on gagne jamais toujours la même chose. On sait jamais ce qu'il y a dans la boîte, hein, c'est ce qu'on appelle les loot box dans le jeu vidéo. Alors, on obtient une récompense, mais on sait pas ce qu'il y a dedans, et du coup ça renforce le problème, la volonté d'en obtenir. Qu'on a eu beaucoup en France avec le comportementalisme en général, avec Skinner en particulier, c'est qu'il partait, lui, du principe que tout ce qui se passait à l'intérieur de l'être humain, le psychisme, les rêves, les fantasmes, les désirs, toutes ces choses-là, il ne fallait pas en parler. C'était une boîte noire dont on n'avait pas à s'occuper. Il fallait s'occuper de ce qui rentrait et de ce qui sortait, juste du comportement et pas du reste. À part là, on a eu des problèmes avec lui. Sur ces jeux, là on parle de Fortnite, mais ça a été le cas d'autres jeux, World of Warcraft avant, League of Legends, etc. Ce sont des jeux qui ont aussi une particularité Marc Valeur, c'est que ce sont des jeux sans fin. Oui, jeux qui ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas une fin. À un moment donné, on a terminé le jeu, on plie la boîte, merci, au revoir. Je pense qu'il y a là-dedans des jeux formidables avec des récits. Je peux vous le confirmer. Des univers fantastiques. Il y a eu EverQuest dans les années 90. Il y a eu World of Warcraft qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Il y a maintenant Fortnite dans les MOBA, dans les jeux de lutte. Et ce sont des univers formidables. Et on peut dire que c'est une addiction extrêmement particulière, très particulière, parce que par rapport à la notion de risque dont parlait Mario Blaise tout à l'heure, là, on est dans le cas d'une addiction dans laquelle le risque est à sa place. Il est à la place que la société voudrait bien lui assigner, c'est-à-dire dans le virtuel. Ce qui est formidable dans le jeu vidéo, mais comme dans la littérature, comme dans le cinéma, comme dans le théâtre, c'est que la mort est réversible. C'est un univers où on pouvait commencer dans les premiers jeux vidéo, on avait le nombre de vies qui était marqué sur l'écran, on partait avec 5 ou 6 vies, et puis ça diminuait, et quand il n'y avait plus de vies, c'était un stress, parce que c'était game over, c'était fini, mais on pouvait recommencer une partie. Et ça, c'est la fonction du jeu dans la société, d'ouvrir cet espace virtuel, cet espace transitionnel, qui permet d'atténuer la difficulté qu'on a en face de la réalité qui est l'autre partie du monde dans laquelle la mort est irréversible, ce qui est difficile à supporter. J'aimerais qu'on dise un mot, mais alors très très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps tout de même, d'une autre forme d'addiction qui est aussi une addiction. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire, Marc Valeur, que c'est une addiction très contemporaine ? L'addiction à la pornographie, elle a toujours existé, elle a existé depuis au premier temps. Ce qui a changé, c'est la disponibilité de la pornographie. Oui, alors elle a toujours existé. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui était pointé comme une maladie depuis l'Antiquité, c'était plutôt la passion amoureuse. C'était la passion qui était quelque chose de terrible, et avec des récits où on essayait d'apprendre aux jeunes qu'il ne fallait pas tomber là-dedans parce qu'on risquait d'en mourir, etc. Qui sont devenus aujourd'hui à l'inverse des récits de ce qu'il faudrait faire. Il faut vivre une passion, quitte à en mourir, c'est vachement bien, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Mais l'excès de sexe était pointé comme un problème déjà chez les Grecs et chez les Romains, et bien sûr au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ça a toujours été une des préoccupations fondamentales, bien sûr, de la religion et de la morale, mais aussi de la médecine, indépendamment de la religion et de la morale. C'est-à-dire que les problèmes qui sont aujourd'hui les problèmes d'addiction ont été des problèmes médicaux depuis très longtemps, la boulimie, la gourmandise aussi. Oui. Juste rajouter peut-être un mot, c'est que pour ce qui est de l'hypersexualité aussi, c'est renforcé par la possibilité de visionner des jeux vidéo, l'accessibilité sur Internet à des images érotiques qui sont beaucoup plus importantes. De visionner des vidéos pornographiques, vous avez dit jeux vidéo à la place. Ah, pardon. c'est un lapsus. C'est pas tout à fait. Non, un mot tout de même, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait d'épidémiologie tout à l'heure avec Marc Valeur, avec moi les chiffres dont je dispose effectivement, c'est sur la population de joueurs, on est sur des comportements addictifs à moins de 1%. Quand on parle en revanche de ce qu'on appelle les comportements sexuels compulsifs ou addictifs, là on monte à des taux beaucoup plus élevés, de 3 à 6% de la population adulte, essentiellement masculine. Est-ce qu'on a des études dont on dispose qui nous montrent que ce sont là une fois de plus les mêmes centres neuronaux qui sont activés? Oui, absolument. Effectivement, il y a des enregistrements, encore une fois, on revient toujours à la même chose, à des enregistrements des activités cérébrales chez des patients qu'on va qualifier d'hypersexualité. Donc on ne parle pas d'addiction à ce stade. Et donc on peut présenter des stimulations érotiques à ces patients, et on va voir s'activer les mêmes régions cérébrales au niveau de leur cerveau, essentiellement donc ces fameux circuits de la récompense, le cortex préfrontal, le noyau accumbens, et ce d'autant plus que les images qui sont présentées sont des images érotiques excitantes. Peut-être un mot de conclusion, Marc Valeur, aussi à Marmottan dans cette consultation. Là aussi on a le sentiment que cette consommation de films pornographiques, c'est quelque chose de très contemporain. Oui, on a vu après les joueurs d'argent arriver les joueurs de jeux vidéo, et comme c'était le début de la massification de la pratique, on ne savait pas si ça allait être une épidémie, si ça allait augmenter ou si c'était un épiphénomène. Or, des années et des années après, on peut faire le constat que ça reste un épiphénomène extrêmement bas, les jeux vidéo, mais ce qui est apparu et qui augmente régulièrement, c'est les consultations pour addiction au sexe et consultations de sites pornographiques. Alors là, on est vraiment devant un problème qui, là aussi, est éternel, existe depuis longtemps, mais qui est en augmentation et qui est une vraie émergence dans le monde médical. Et qui est cristallisé effectivement par les pratiques contemporaines. Que faire quand on se sent piégé en un mot dans un comportement addictif, Marc Valeur? Il faut en parler. Le comportement addictif, c'est s'apercevoir qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, donc il ne faut pas rester tout seul avec, il faut en parler à quelqu'un d'abord. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus nous en parler. Merci Justine Caboche. Merci Marc Valeur, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous retournerons à l'origine des masses continentales terrestres. Nous ferons de la paléologie et de la paléogéologie pour évoquer l'histoire de la Pangée et des supercontinents terrestres. Ça se passe demain à 16h, comme tous les jours, jusqu'à preuve du contraire.